à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, qui est-ce qu'on interviewe ? Quel copain ? D'Aloïs. Bonjour Aloïs. Bonjour Lou. Comment tu vas ? Bien. Oui, très bien. Ça va très bien Lou ? Ouais. Aloïs, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai travaillé avec les lettres. Et de quelle couleur ? Aloïs ? Oui. Non, mais pas bien. Ça doit beaucoup vent des fois. C'est quoi, Aloïs ? Et les... Ben, on cherche toutes les lettres de moi. Elles sont perdues ? Non, elles sont mélangées. Les miens, elles sont mélangées des fois, mais bien. Assez, je suis contente de parler. Qu'est-ce qui te manque le plus ? T'as pêché une carte. Et du papa, il a zizé dans l'eau. Tu as un étang chez toi, alors ? Oui, un étang chez moi. Alors, et là, pourquoi coule d'un gros... Tu te baignes ? Lou, il veut... Le gros Lou, il va venir... Faire quoi ? Jouer, péter, dans mon bac à sable, aller sur mon gros vélo, moi, je vais aller sur mon petit vélo. Et après, il va se jouer à caca. Elle va craper. Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Non, son frère s'appelle Nino et pas les sœurs. Tes frères et sœurs ? Je suis le grand frère de Lou et je suis dans la même école que Lou. Et dans ma classe ? Et quelle classe il est ? En CP, de l'autre côté du grillage. Tu te réveilles à quelle heure le matin ? Et c'est le mois 4. 7h04. Ça, c'est le plus tôt que tu as fait, sinon tu te réveilles plus vers 8h. Non. Oui, c'est des gâteaux ? Non, par contre, on fait des yaourts. Oh bon ? Tu sais, tu pourras venir à mon anniversaire. Et puis j'ai préparé mes affaires. Non, c'est pas aujourd'hui. Ça va être un petit peu compliqué, c'est quand ton anniversaire ? Et quand ? C'est dimanche. C'est mon gâteau pour Kamae. Et quoi, moi ? Avril, le 5 avril. Un gâteau pour Paul et Kamae et Simon. Oui, il est fait un gâteau pour Lou. Qui l'a ? Je vais avoir quel âge ? 4 ans ! Tu veux passer un bouzou à tes copains ? Oui, à Paul, à Simon et à Kamae. Tu sais, on a fait un groupe sur le téléphone où les copains ils vont pouvoir mettre des photos pour que vous vous voyez. Nous avons fait des photos, plein de photos. Au revoir Aloïs. Au revoir Aloïs. Fini pour aujourd'hui ? Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir, à demain. À demain.